J'ai appris ta maison comme on accoste au port. Chez toi il faisait bon, il faisait froid dehors. Un feu de cheminée, quelque chose de feutré, impression de bien-être, plein d'images dans ma tête. Pas grand chose à te dire, je voudrais m'endormir là, près de toi, là, dans tes bras. Le printemps est venu et ses rires d'enfant ensoleillent ma rue, pas vu passer le temps. Les terrasses refleurissent, elles habillent Paris d'une palette d'artistes qui éclairent nos nuits. Pas envie de sortir, envie de se blottir là, tout près de toi, là, dans tes bras. Retour côté enfance, au goût de grenadine, l'été prend des vacances, vagues bleues marines. Il fait bon lézarder à l'abri du soleil, derrière les volets, toi tu dors, moi je veille. Envie de ton sourire, je te regarde dormir là, tout près de moi, là, dans mes bras. C'est toujours la même chose quand l'automne magicienne sur les feuilles dépose ses couleurs terre de ciel. Septembre romantique, tout en pierres précieuses, t'as rendu nostalgique. Dis-moi, es-tu heureuse? Un an de souvenirs, un an à s'endormir là, tout près de toi, là, dans tes bras. Bon.